Et vous, mademoiselle, vous aimez les romans? Non. Ah bon, vous n'aimez pas les romans. Vous préférez le cinéma? Oui. Moi aussi, je préfère le cinéma. Qu'est-ce que vous préférez? Les films suédois, japonais? Les comédies anglaises, italiennes? Les comédies musicales américaines? Vous n'aimez pas les comédies? Moi non plus. Je préfère les tragédies, les drames. J'adore les histoires de crimes. Moi aussi. Est-ce qu'on va avoir un crime dans l'histoire? Je ne sais pas. Peut-être. On va voir. Continuons l'invention de l'histoire. Voyons. Commençons par le jeune homme. Vous n'aimez pas les romans. Vous n'aimez pas les romans. Vous n'aimez pas les romans. Vous préférez le cinéma? Vous préférez le cinéma? Est-ce que l'étudiante aime les romans? Non, elle n'aime pas les romans. Qu'est-ce que l'étudiante préfère? Le cinéma. Elle préfère le cinéma. Vous n'aimez pas les comédies. Vous n'aimez pas les comédies. Les comédies. Vous n'aimez pas les comédies. Bah, moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Je préfère les tragédies. Je préfère les tragédies. Les drames. J'adore les histoires de crimes. Les histoires de crimes. Les histoires de crimes. J'adore. Ah, j'adore. J'adore. J'adore les histoires de crimes. J'adore les histoires de crimes. Moi aussi. Ah, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. L'étudiante n'aime pas les comédies. Qu'est-ce qu'elle préfère? Les tragédies, les drames, les histoires de crimes. Qu'est-ce que l'étudiante adore? Les histoires de crimes. Est-ce qu'on va avoir un crime dans l'histoire? Est-ce qu'on va avoir un crime? On va avoir un crime? On va avoir un crime? Est-ce qu'on va avoir un crime? Est-ce qu'on va avoir un crime? Peut-être. On va voir. Peut-être. On va voir. Peut-être. Peut-être. On va voir. On va voir. Est-ce qu'on va avoir un crime dans l'histoire? Peut-être. On va voir. Voyons. Commençons par le jeune homme. Commençons par le jeune homme. Commençons par le jeune homme.